Fos la na pti beni. Jan di se an gran jou. Gande tan ki pase. Mi nou kari tou ven. Se kon wale neji. Ki biswen de kache. An letan sel flashe. Souvenir kavire. Leve. J'ai fait un frame.